Chapitre 22e. Toujours plus de casse. Dutilleul s'était déplacé dès qu'il avait pris connaissance des faits, mais il ne parvint pas à cacher son mécontentement d'avoir été informé si tard. Ce fut le stagiaire de service qui en fit les frais. Comme souvent, Dutilleul s'en voulut immédiatement, car en l'occurrence le pauvre garçon n'était que le messager. Il n'en demeurait pas moins que 10 jours venaient d'être inutilement perdus, rendant du même coup toute piste inexploitable. C'était d'autant plus regrettable qu'il pressentait une fois de plus l'œuvre du Club 23, mais il lui serait impossible de prouver quoi que ce soit. Trop de temps s'était écoulé, et tout depuis avait été nettoyé. Même s'il comprenait pleinement l'attitude des commerçants, il ne pouvait que le déplorer amèrement. Surtout à l'examen des clichés pris. Au moins ceux-ci étaient-ils en nombre. Toujours ce même déchaînement de violence gratuite. Le plus triste, c'était le caviar dont on avait volontairement maculé les murs. Au milieu de ce carnage sans nom, on avait visiblement tenté de constituer une fontaine à champagne, sauf que les bouteilles étaient brisées. S'il se référait au constat établi, l'action avait été très rapide, menée entre 3 et 4 heures du matin, exactement comme dans l'affaire Grimbert. Les commerçants avaient dû être épiés, car on savait très bien qu'ils ne vivaient pas sur place, ce qui voulait dire, sans l'ombre d'un doute possible, que le coup était soigneusement prémédité. La grille, pas de toute première jeunesse, avait facilement cédé sous la pince Monseigneur. Ensuite, Dutilleul avait longuement reçu le couple, toujours aussi traumatisé par l'effraction. La femme, surtout, était profondément marquée par l'absence de vol. « Ils ont tout foutu en l'air, une si belle marchandise, rien que du premier choix. Pourquoi ? Au moins, si j'avais retrouvé les boîtes vides, j'aurais eu la satisfaction d'avoir au moins fait des heureux. Je comprends que tout le monde ne puisse pas s'offrir ce que nous vendons, et souvent cela me fait mal. Là, ils n'ont rien pris. Qui sont ces gens ? Ce ne sont pas des humains, ce ne sont même pas des bêtes. Ce serait leur faire trop d'honneur. Ce sont des monstres, ce sont des monstres !» Son mari avait tenté maladroitement de la calmer, mais c'était impossible, car le désespoir était trop profond. Dutilleul, très mal à l'aise, leur avait demandé s'ils étaient assurés, ce qui avait eu pour seul effet d'enflammer à nouveau la femme. Assurés, évidemment. Le courtier est déjà passé. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là, surtout que c'est la première fois. C'est bien joli, une assurance, mais croyez-vous franchement qu'on va me refaire mon magasin à l'identique? C'est impossible. Oui, je n'ai pas honte de le dire, il était ma fierté. C'est là que j'ai commencé, avec mon père et ma mère. Ils m'ont tout appris. Tous mes souvenirs étaient ici, et maintenant, ils me font horreur. Je n'ai qu'une envie. Partir le plus loin possible d'ici et tout oublier. L'homme s'était mis à pleurer à son tour, et Dutilleul avait alors compris qu'il ne devait pas être très loin de penser la même chose. C'est alors qu'il avait pris sa décision. « Nous les trouverons, Madame Marle. Ceux qui ont fait cela répondront de leurs actes. Si vous le dites, je vous le promets. Vous n'avez rien remarqué de suspect ces temps derniers ?»« Non, » intervint le mari. « Comment voulez-vous ? C'était la période des fêtes. On avait suffisamment à faire comme cela. Vous n'avez donc jamais eu d'incident, même mineur, à rapporter ?»« Non. D'ailleurs, les gens du quartier sont aussi consternés que nous. Ce n'est pas un coin agité par ici. Nous ne sommes pas sur une grande voie de passage. Notre clientèle s'est constituée par le bouche-à-oreille au fil des années. Cela nous allait très bien. Pensez, nous n'avons pas eu d'enfants, alors il était inutile de chercher à s'agrandir. » Dutilleul avait passé le restant de l'après-midi à faire le tour du quartier. Partout, il lui fut confirmé que le couple Marle était de bien braves gens. Ce qu'il s'était bien gardé de mentionner, c'est que plus d'un gamin avait vu son ordinaire amélioré par les bontés de Madame Marle. Il fut confirmé à Dutilleul à de multiples reprises qu'elle avait énormément souffert de ne pas avoir eu d'enfant. Les Marles avaient pensé un temps à l'adoption, mais au regard de leur activité. Alors il y avait toujours un gros pot de bonbons ouvert à l'intention des garnements du quartier. Certains se souvenaient encore avec émotion d'un gamin qui avait malencontreusement cassé son litron de lait en dérapant sur une plaque de verglas. Il était non seulement reparti avec son genou soigné, un litre de lait tout neuf en plus, et une belle tranche de galantine. Par reconnaissance, le gamin n'avait jamais oublié ensuite de les saluer avant de partir pour l'école le matin. Bon nombre de mamans anxieuses ne manquaient jamais de les interroger si l'un des petits manquait à l'appel, et bien souvent le fautif échappait à la fessée, car M. Marle ne manquait jamais de rappeler avec son bon accent du sud-ouest qu'il n'était que des enfants. Comme tout le monde connaissait leur malheur, rares étaient les punitions. Personne ne comprenait cette action généralement qualifiée de stupide, d'autant que beaucoup de gens du quartier avaient donné un coup de main à la boutique, notamment en période de fête, et aucun n'avait eu à le regretter. Une fois de retour dans son bureau, Dutilleul avait contemplé à nouveau les clichés pendant de longues minutes, ainsi que le relevé d'empreintes. Comme il s'y attendait, celui-ci ne révélait rien. Les casseurs avaient fait propre, ils avaient travaillé avec méthode, ce qui était presque un comble. Ils n'avaient rien laissé sur place, ce qui montrait une organisation sans faille presque terrifiante. Bien vite, Dutilleul avait dû se rendre à l'évidence. Il n'y avait rien là-dedans qui puisse justifier la mise sous surveillance des Tournelles, ou tout du moins par le canal officiel. Pour s'en convaincre, il n'avait qu'à penser au mal qu'il avait eu pour obtenir l'exhumation de Pierrick Lourjade. Il était temps de redéployer les moyens. Il était inutile de maintenir Girardin sur l'agression d'Agathe Grimbert, puisque cela ne donnait rien. Il allait l'employer à creuser l'affaire Pradier. Il pressentait qu'il y avait quelque chose de ce côté-là, même s'il était bien en peine d'expliquer ce que c'était. Sa première mission serait de retrouver les parents, et celle-ci était parfaitement dans ses cordes. Viard ne serait probablement pas très content, mais il s'en moquait. Connaissant son Girardin, il ne donnerait pas un coup d'épée dans l'eau, l'inspecteur ayant prouvé depuis longtemps toute sa ténacité. Dutilleul fit donc convoquer Girardin pour le lundi suivant. Il aimait bien l'inspecteur, qui était toujours de bonne humeur. Il espérait que celui-ci lui remonterait un peu le moral. Plus les jours passaient, plus le découragement le gagnait insidieusement. Or, comme dans toute affaire, il était essentiel de ne laisser pas tomber prématurément. Il devait simplement se montrer patient. Il connaissait parfaitement ce sentiment si destructeur de surplace. Ces affaires qui démarraient lentement et dont on ne mesurait pas, au premier abord, toute la gravité ou l'étendue. Il ne fallait surtout pas entrer dans la culture du « résultat à tout prix », car c'était là que, généralement, on commettait les plus belles bourdes. Combien de pistes se refermaient d'elles-mêmes avant d'avoir été suffisamment exploitées? Dutilleul préférait ne pas compter. De toute façon, au moins pour l'affaire Grimbert, il ne pouvait laisser tomber. Il se l'était juré. Il aiderait à traduire ses meurtriers devant la justice, quel que soit leur âge. Pour cela, il fallait qu'il détermine chaque membre du Club 23 et le rôle que chacun avait joué dans cette sordide boucherie. La tâche n'était pas insurmontable. Au passage, il tenterait d'apprendre pourquoi Richard Dacroux et Pierrick Lourjade étaient morts. Il repensa une fois de plus aux deux garçons, et peu à peu, une ébauche très imprécise commença à se dessiner. Il se leva, fit le tour de son bureau, comme il aimait le faire, parfois. Il s'apprêtait à se refaire un thé, quand il eut soudain une illumination. Il l'avait, son mobile, et il était solide. Certes, il avait un peu tardé à réagir, mais rien n'était perdu. Il devait contacter Viard sur le champ. Patricia Martineau lui obtint un rendez-vous en fin de journée. Viard lui parut fatigué, mais il le reçut toutefois avec sa courtoisie ordinaire. Il paraissait de bonne humeur. Le week-end n'était plus très loin. « Ah, Dutilleul, je ne vous vois vraiment pas beaucoup. Enfin, Destrée m'avait prévenu. Donc je ne suis pas surpris. Qu'est-ce qui vous amène ?»« Eh bien, » dit Dutilleul un peu mal à l'aise, car il détestait solliciter quoi que ce fût. « J'aurais besoin d'une faveur. »« Tiens donc, une autre. Voilà qui ne vous ressemble guère. Voyons toujours cela. »« J'aurais besoin de mettre les Tournelles sous surveillance. » « Vous n'y pensez pas sérieusement ?»« Si, malheureusement. Écoutez, je sais que cet établissement n'a pas une réputation sans tache, mais là vous y allez un peu fort. Certains parents pourraient très bien ne pas apprécier. N'oubliez pas qu'il y a quand même du beau linge scolarisé là-bas, et que si vous vous plantez, c'est le scandale. En plus, je ne vois pas bien quel motif nous pourrions invoquer, car dans le passé, il ne me semble pas que l'endroit ait beaucoup fait parler de lui. » Il y a tout de même eu deux morts dans des circonstances plus que suspectes. C'est un fait indéniable, mais vous oubliez justement une petite chose, il ne s'est rien produit dans l'enceinte même de l'établissement. C'est pourquoi une surveillance, même de jour, ne me semble pas indiquée. Ce n'est pas ce que je vous demande. Alors quoi? Vous n'allez tout de même pas les faire surveiller de nuit? Si. Je suis sûr que si les tournelles sont perméables, c'est bien à ce moment-là. Vous n'avez aucun élément qui vous permette d'affirmer une chose pareille. Bien au contraire. C'est Madrier lui-même qui me l'a donné. Il a, semble-t-il, quelques difficultés dans le recrutement de son personnel de surveillance. Et il paraîtrait que la surveillance du dortoir des grands s'est beaucoup relâchée ces temps derniers. Vous ne me le dites que maintenant. Je reconnais que j'ai tardé à comprendre l'importance de cet élément. Ce n'est pas ce que je vous reproche. Je sais que vous n'avez cessé de chercher. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est ce à quoi tout cela va bien pouvoir nous mener. Je crains qu'il ne vous faille m'en dire un tout petit peu plus, même si je sais que la chose ne vous plaît guère. Alors, résigné, Dutilleul fit part de ses soupçons, et Viard changea immédiatement de visage, surtout quand Dutilleul sortit les clichés qu'il avait pris avec lui. Viard perdit de sa superbe, et Dutilleul le sentit ébranlé. Il avait soudain perdu ses airs de chef haillon, et Dutilleul le trouva soudain bien plus humain, même s'il ne pouvait évoquer pour l'instant le club 23. Vous vous rendez bien compte que tout cela est très ténu. Il est vrai toutefois qu'il y a une certaine similitude entre ces clichés. C'est surtout visible si l'on met les clichés Grimbert et Marle en parallèle. Si vous voulez mon avis, c'est surtout le caviar et la carte bleue détruite qui me paraissent le plus parlant. Car on retrouve dans les deux cas un mépris total de l'argent ou ce qui peut le symboliser. La serre sera beaucoup plus dure à relier. Il faut que vous soyez bien conscient de cela. Pourtant, je suis pratiquement sûr que cela fait bel et bien partie de la même série. J'y vois comme une sorte d'entraînement, de coup d'essai. Un coup tout à fait digne de lycéen. Peut-être. Mais cela ne relie pas pour autant l'affaire aux tournelles. Vous dites vous-même que le dépôt du blouson de... Ah, comment s'appelle-t-il déjà ? Richard Dacroux. Oui, c'est cela. Vous dites vous-même que cet abandon n'était là que pour égarer la police. Dans la participation de Richard Dacroux à l'opération, oui, et je le maintiens. Quoi qu'il en soit, il fallait se procurer le blouson. Bon. Admettons, je dis bien admettons, que Richard Dacroux ait fait le mur. Car vu son profil, c'est effectivement possible. Il aurait très bien pu rejoindre d'anciens comparses. En pleine année scolaire, la chose me paraît peu vraisemblable. De plus, cela se passait plutôt bien aux tournelles. Madrier était assez satisfait de lui. Raison de plus pour ne pas transgresser des interdits qui risquaient de mettre en péril sa scolarité. Oh, je pense qu'il ne l'a pas fait tout à fait volontairement. Quoi? Qu'allez-vous encore sortir de votre chapeau? Vous ne me faites pas des cachotteries, au moins. Ce ne serait pas digne de votre réputation. À moins que, naturellement, la chose soit si énorme. Dites-vous seulement, Dutilleul, qu'il faudra me cracher le morceau à un moment ou à un autre, si vous voulez ma pleine collaboration. Alors, j'ai votre aval pour la surveillance? Oui, mais bon Dieu, soyez discret, et inutile de prolonger plus que nécessaire. Je vous remercie, monsieur. Surtout, Dutilleul, tenez-moi régulièrement informé. Voulez-vous? Dutilleul promit d'autant plus facilement qu'il était heureux de ne pas avoir eu à brûler toutes ses cartouches. Ainsi, le club 23 restait dans l'ombre. Pendant l'entretien, une idée lui était venue. C'est pourquoi il fit appeler Bellegarde.